pour vos différents besoins en électricité. C'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter, que ce soit pour les travaux résidentiels, commerciaux ou industriels. Les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Toute notre équipe félicite Alexandre Gagnon pour sa sélection chez les Stampeders de Calgary. On va parler des Aigles de Roberval avec celui qui est en charge du programme, Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, c'était les premiers matchs la semaine passée chez des Aigles de Roberval. Comment ça a été dans l'ensemble? Ça fait deux fins de semaine qu'on joue. Ouais. Ça va très bien, honnêtement. Les jeunes travaillent fort. Il y a beaucoup de. Mais l'apprentissage de la Ligue aussi, hein, t'sais, ouais. C'est des matchs contre Québec, les joueurs étaient sans être intimidés, c'était des matchs locaux aussi, il y avait beaucoup de monde d'école qui était venu, fait que c'était un vent de renouveau un petit peu, hein, puis il y a toujours le facteur stress, puis les équipes, le premier match, ont sorti un petit peu flat, là, si je peux me permettre, mais... Ouais. Ils ont très bien fait ça là, dans l'ensemble. Le calibre, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est bon? Oui, honnêtement, c'est intéressant. Il y a des bons joueurs là, dans les différentes équipes. Puis on sent là, qu'il y a une structure qui se met en place là, au niveau des équipes. Là. C'est les premiers matchs, là, mais on sent que plus la saison va avancer, là, plus les équipes vont être structurées. Ça va être du hockey qui va être très intéressant, là, même dans les trois calibres. OK. Dis-moi maintenant, donc, les deux équipes, les trois équipes de Roberval, ils ont un dossier de commun en deux fins de semaine? Le Benjamin ont joué trois matchs jusqu'à maintenant. OK. Ils ont un dossier d'une victoire, deux défaites. OK. Ensuite, le Cadet ont deux matchs de jouer, ils ont une victoire, une nulle. Et le Juvénile, après trois matchs, ont deux défaites et une nulle. OK, deux défaites et une nulle, OK. Donc, mais ça, c'est vraiment, comme on disait, de l'apprentissage, du rodage aussi, c'est lent, eux, là. On peut pas s'attendre à grand-chose. Dis-moi, les foules, comment ça a dit à Roberval? Est-ce que c'est quand même intéressant de ce côté-là? Par rapport à Roberval, qu'est-ce que tu veux dire? Les foules, est-ce qu'il y a du monde qui va voir vos matchs? Ah oui. Ben, le premier match juvénile, le vendredi soir, là, il va avoir au moins... 4 à 500 personnes. Oh, OK. Il y a quand même il y avait un engouement. Il y avait beaucoup de gens de l'école qui étaient venus. Les jeunes avaient des tatous, des logos dans le visage. On donnait des gourdes. Il y avait de l'ambiance. Pendant la fin de semaine, là, les autres, quand le Benjamin jouait, ben, le cadet, les juvéniles venaient les voir, en plus des amis de l'école, les parents des deux équipes. Fait que, il y a quand même du monde, il y a des curieux. Fait que. C'est le fun comme ambiance. Ben, c'est ça que vous avez à faire, hein, c'est travailler avec les écoles là, pour que les écoles suivent aussi. Là. C'est ça, que ça devienne un sentiment d'appartenance. C'est vraiment ça qu'on essaie de créer, surtout c'est vraiment important. C'est le talon d'Achille dans une première année de programme comme ça. On s'accroche à nos valeurs et à ce qu'on veut inculquer à nos jeunes, à nos équipes. Pour qu'ils fassent transparaître dans l'école, pour justement créer ce sentiment d'appartenance-là. C'est le fun parce que j'ai une discussion avec un jeune, un petit secondaire 1, qui joue au hockey, puis il nous voit, puis il dit j'aimerais ça jouer dans cette équipe-là. OK. Fait que, on vient de créer un rêve dans une tête d'un jeune, puis c'est exactement ça qu'on veut créer, là, sur le long terme. OK. Dis-moi, en fin de semaine, ça ressemble à quoi pour les Aigles? Tout le monde est en action. Notre juvénile là, s'en va dans leur premier voyage de l'année là, sur la route, couché, etc. À Thetford Mines, jouer deux matchs là-bas contre la polyvalente de Thetford. Ensuite, là, nos deux autres équipes jouent local. Donc, samedi, le Benjamin reçoit le TC Dominique Racine de Chicoutimi à 15h30 à Roberval, suivi d'un match. Cadet des deux, les Estacades de Trois-Rivières viennent visiter les Aigles. Et le lendemain, c'est le cadet là, qui va être en action dans l'après-midi contre l'école Samuel de Champlain de Québec. On rappelle évidemment que les billets sont gratuits, donc l'entrée est tout à fait gratuite là, pour le scolaire. C'est quand même assez abordable pour le monde. Oui, exactement. Là, c'est gratuit, justement. C'est le fun, les jeunes viennent voir avec leurs parents, tout ça. Fait que ça crée une foule. Fait que c'est le fun. Simon Gaudreau, un gros merci. On s'en reparle jeudi prochain. Merci, au revoir. C'est la chronique des Aigles de Roberval avec Simon Gaudreau.